Psaume 37. Psaume de David. Aleph, ne te dépite point à cause des méchants, ne sois point jaloux de ceux qui s'adonnent à la perversité. Car ils seront soudainement retranchés comme le foin, et se faneront comme l'herbe verte. Bête, assure-toi en l'Éternel, et fais ce qui est bon, habite la terre, et te nourris de vérité. Et prends ton plaisir en l'Éternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Guimel, remets ta voix sur l'Éternel, et te confie en lui, et il agira. Et il manifestera ta justice comme la clarté, et ton droit comme le midi. Dalet, demeure tranquille, te confiant en l'Éternel, et l'attends, ne te dépite point à cause de celui qui fait bien ses affaires, à cause, dis-je, de l'homme qui vient à bout de ses entreprises. I, garde-toi de te courroucer, et renonce à la colère, ne te dépite point, au moins pour mal faire. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui se confient en l'Éternel, hériteront la terre. Vaut, encore donc un peu de temps, et le méchant ne sera plus, et tu prendras garde à son lieu, et il n'y sera plus. Mais les débonnaires hériteront la terre, et jouiront à leur aise d'une grande prospérité. Zin, le méchant machine contre le juste, et grince ses dents contre lui. Le Seigneur se rira de lui, car il a vu que son jour approche. Et, les méchants ont tiré leur épée, et ont bandé leur arc, pour abattre l'affligé et le pauvre, et pour massacrer ceux qui marchent dans la droiture. Mais leur épée entrera dans leur cœur, et leurs arcs seront rompus. Tête, mieux vaut au juste le peu qu'il a, que l'abondance à beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront cassés, mais l'Éternel soutient les justes. Jo, l'Éternel connaît les jours de ceux qui sont intègres, et leur héritage demeurera toujours. Ils ne seront point confus au mauvais temps, mais ils seront rassasiés au temps de la famine. Caf, mais les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel, s'évanouiront comme la graisse des agneaux, ils s'en iront en fumée. La mède, le méchant emprunte, et ne rend point, mais le juste a compassion, et donne. Car les bénis de l'Éternel hériteront la terre, mais ceux qui la maudit, seront retranchés. Même, les pas de l'homme qui la bénit sont conduits par l'Éternel, et il prend plaisir à ses voies. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient la main. Non. J'ai été jeune, et j'ai atteint la vieillesse, mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est ému de pitié tout le jour, et il prête, et sa postérité est en bénédiction. Sa mèche, retire-toi du mal et fais le bien, et tu auras une demeure éternelle. Car l'Éternel aime ce qui est droit, et il n'abandonne point ses bien-aimés, c'est pourquoi ils sont gardés à toujours, mais la postérité des méchants est retranchée. À jeun, les justes hériteront la terre, et y habiteront à perpétuité. P.E., la bouche du juste proférera la sagesse, et sa langue prononcera ce qui est droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, aucun de ses pas ne chancellera. Cède, le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne l'abandonnera point entre ses mains, et ne le laissera point condamner quand on le jugera. Kof, attends l'Éternel, et prends garde à sa voix. Et il t'exaltera, afin que tu hérites la terre, et tu verras comment les méchants seront retranchés. Resh, j'ai vu le méchant terrible, et s'étendant comme un laurier vert. Mais il est passé, et voilà, il n'est plus, je l'ai cherché, et il ne s'est point trouvé. Saint, prends garde à l'homme intègre, et considère l'homme droit, car la fin d'un tel homme est la prospérité. Mais les prévaricateurs seront tous ensemble détruits, et ce qui sera resté des méchants sera retranché. Tôt, mais la délivrance des justes viendra de l'Éternel, il sera leur force au temps de la détresse. Car l'Éternel leur aide, et les délivre, il les délivrera des méchants, et les sauvera, parce qu'ils se seront confiés en lui.